chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. On vous offre le F-150 9 à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 5 000 $ en valeur totale, incluant 2 500 $ en allocation et livraison. Les membres Costco admissibles reçoivent aussi un rabais de 1 000 $. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Là où l'expérience est inégalée, toute notre équipe vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multiconcessionnaire. On va parler de la Ligue nationale de football. C'est la 7e semaine déjà d'activité dans la Ligue nationale de football. On en parle avec du site internet lebitsnfl.com, Tony Guzzo. Salut Tony! Salut Danny! Tony, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé la semaine passée. D'abord, blessure importante à LDT. Oui, Laurent Duvernay-Tardif, qu'est-ce qui est dommage? Il s'est fracturé son péroné gauche. Ouais. Ben, la fin du match, c'est ça qui est décevant. Les Chiefs l'ont mis sur la liste des blessés. Donc, c'est bon signe. Il n'est pas fini pour la saison. Coach Andy Reid a dit en entrevue que sa saison n'est pas compromise. Donc, quand tu es sur la liste des blessés, t'es sur la liste au moins pour 8 semaines. Donc, les Chiefs souhaitent qu'il va être de retour là, d'ici la fin de la saison. Là. OK, effectivement, c'est une lourde perte pour les Chiefs de Kansas City. Avec la perte de Laurent Duvernay-Tardif. J'ai hâte de voir comment on va se débrouiller parce que, franchement, encore une fois, quoique Pat Mahomes n'a pas été un facteur dans la victoire des Chiefs, mais encore une fois, on est vraiment bien parti du côté des Chiefs. J'ai hâte de voir quel impact aura la blessure de Laurent Duvernay-Tardif sur le rendement des Chiefs. Tout à fait, mais ils ont joué un super match contre les Jaguars. Là, pour une des rares fois, l'attaque a eu le dessus sur la meilleure défensive. Puis même les unités spéciales, la défensive des Chiefs s'est relevée, donc ça l'a aidé dans la victoire. On va voir, mais je pense que la ligne offensive est quand même popée. Puis grâce à la mobilité de Patrick Mahomes, ben on va voir. Puis ça va être un gros test. Hein. Ils vont jouer contre les Patriots. Ça va être vraiment un match de la semaine à surveiller. Ah oui, effectivement. Donc c'est le match de la semaine, c'est le gros match. J'ai hâte de voir les Chiefs contre les Patriots. Mais ça, on va revenir tout à l'heure. Drew Brees qui a atteint un chiffre magique, qui a dépassé Peyton Manning pour le nombre de verges complétées. Ben oui, c'est vraiment un cas sous-estimé, hein, notre Drew Brees. En plus, il est 5 pieds 10, il n'a pas vraiment la grandeur d'un corps solide ou tout ça, là, mais il a quand même là, il a amassé le plus de verges en carrière dans l'histoire de la NFL avec. Là, il est rendu à 72 000. 105 verges cumulées par la passe. Il a réussi à le faire à 253 matchs, tandis que Manning l'avait fait en 266. Donc, très bel accomplissement de Drew Brees. Puis, c'est ça qui est dommage, parce que quand tu leur parles, là, si je te dis, Danny, ton top 3 quart arrière de tous les temps, il n'est pas là, Drew Brees. Non, c'est sûr que on fait souvent, là, c'est Brady, Montana et Manning. Et malheureusement, il n'est pas dedans pareil. Puis c'est ça, il n'est pas dedans. Puis il faut noter, là, il est à un touché pour le 500 verges, donc le club, excuse-moi, 500 touchés, passe de touché. Donc, ça va être le club des Selects. Il va être avec Manning, Brady, Favre. Donc, à un touché, il va égaler Brady. Puis après ça, il faut qu'il atteigne Favre. Puis Manning, il y en a 539 passes de toucher. Ouais. Fait que Drew Brees, il a de l'air à, comme Brady, là, il a de l'air à avoir encore 2-3 saisons là, dans le corps. Fait que il va se rendre là sûrement. Puis chapeau à Drew Brees. Puis vous irez voir sur Internet, les réseaux sociaux, la vidéo hilarante que Peyton Manning a fait pour féliciter Drew Brees. Là, il est incroyable, ce Peyton-là. Puis Drew Brees, là, chapeau. Il a gagné un Super Bowl. Il a tellement fait pour la communauté de Nouvelle-Orléans. Lui, il s'est en allé, parce que rappelle-toi, il était un choix de deuxième ronde des Chargers de San Diego. Il était trop petit à l'époque. Il jouait pour Purdue. Et il s'est en allé à Nouvelle-Orléans pour un petit peu l'année de Katarina, là. Le fameux ouragan. Puis moi, j'ai un pincement au cœur parce que il s'est blessé. Il y avait une blessure sérieuse à son épaule quand il est parti de San Diego. Puis je me souviens, il y avait le choix entre les Saints et les Dolphins. Fait que, incroyable. Mais lui, il s'est rendu, il est arrivé lors de l'ouragan, tellement impliqué. Là, il a vraiment la ville à cœur. Puis c'est un bel ambassadeur autant pour le sport que dans la communauté. Puis tout un beau record. Puis on lui souhaite encore plus de verges puis plus de touchés là, d'ici sa fin de carrière. OK. Maintenant, on va y aller avec les matchs de la semaine. Ça devrait être le match à voir, on l'a dit tout à l'heure, les Pats contre la puissante formation des Chiefs et Kansas City. Les Chiefs connaissent un début de saison intéressant, vraiment. Et ça va être un autre bon test pour Pat Mahomes et sa gang. Oui, le gros défi pour les Chiefs sont à 5-0. L'autre équipe à 5-0, c'est les Rams. Ils vont affronter les Broncos qui devraient être. Ça devait être un match un peu plus facile que les Chiefs. Mais les Chiefs, ils vont être en Nouvelle-Angleterre. Donc, on sait, Brady à Foxborough, c'est une super puissance. Puis, faut donner aux Patriots, hein, le retour de Julian Edelman là, fait vraiment la différence. Là. Mm. En seulement un match, là, il est revenu la semaine passée, Edelman, puis a participé à 70% des jeux. Donc, il est content, Brady, d'avoir Edelman avec ça. Une bonne balance avec le jeu au sol. Pour les Chiefs, c'est une belle attaque. Le jeune est incroyable. Il lance bien avec précision. La seule affaire qui est par rapport à la défensive des Chiefs, c'est qu'ils accordent beaucoup des longs jeux, des longs gains. Puis, sauf que quand même, 75% du temps, ils sont capables de stopper l'attaque adverse au troisième essai. Donc, ils arrêtent le jeu, ils arrêtent au bon moment de la game, les Chiefs. Mais il va falloir qu'ils continuent, mais à cause qu'ils jouent à Foxborough, puis je pense que les Patriots sont dans un momentum en ce moment qui va peut-être avoir un avantage sur les Chiefs. Oui, effectivement. L'autre match que je surveille, c'est à 13h, présenté sur CBS et RDS. Les Steelers de Pittsburgh contre les Bengals Cincinnati. Un match important déjà pour le classement de la division Nord. Les Steelers doivent l'emporter, sinon, quelque part, il y a déjà deux matchs de retard sur les Bengals. Et Andy Dalton et Marvin, et l'homme qui a cette vie, Marvin Lewis. Cette vie, ouais, c'est ça. C'est incroyable. Les Bengals, encore, on ne parle pas d'eux. Ils ont quand même une fiche de 4-1, mais c'est l'histoire des Bengals. Tant si longtemps. C'est une bonne équipe de saison régulière, mais tant que si longtemps qu'ils ne gagnent pas les matchs en éliminatoire, ils n'auront pas la crédibilité ou la réputation pour les séries. Puis Marvin Lewis, il va falloir, si son équipe peut continuer, Dalton connecte bien avec son receveur vedette A.J. Green. Sont assez constants. Ils mènent, si je crois bien, ils mènent la Ligue dans 95% qui sont dans la zone payante, et ils marquent des points. Fait que c'est une des raisons que ça va toujours, qu'ils connaissent une bonne saison jusqu'à maintenant. Est-ce qu'ils vont vivre une petite crampe au cerveau contre les Steelers? Parce que les Steelers, l'ambiance est moyenne. Là. Ouais. Sauf que le dernier match, finalement, Big Ben a connecté avec Antonio Brown. Le sujet est là. Ils parlent aussi, Le'Veon Bell devrait revenir après leur semaine de congé, donc on parle de la semaine 8. Mm. Je sais pas quoi dire. Ils sont à Cincinnati, les Bengals ont bien joué le dernier match, sont revenus de l'arrière contre les Dolphins, mais c'est toujours les Bengals, on ne sait pas sur quel pied danser, puis Pittsburgh, à cause du dernier match, ils ont un certain momentum dans leur voyage à Cincinnati. Ça va être un match serré, on verra. Puis c'est drôle, je pense que les Steelers pourraient l'emporter ce match. C'est un gros test également pour les Bengals Cincinnati. Donc, Tony, on va la semaine prochaine, tu vas être à Phoenix. Est-ce que tu vas voir les Cards, comment? Oui, c'est ça, jeudi prochain, je m'en vais voir les Cards contre les Broncos. OK. Donc, le lendemain, ça risque d'être ça risque d'être compliqué, mais j'ai hâte de voir ça. Moi, j'aime ça. C'est une belle expérience. C'est pas mes équipes, mais j'ai hâte de voir le stade. J'ai hâte de voir l'ambiance. Puis malheureusement, les Cards ont un lent début de saison, mais Josh Rosen, le nouveau car jeune, il mise le futur dans lui. Ça va être intéressant à voir. Lui, c'était un choix intéressant, là. C'était une année de carrière cette année au repêchage. Tu avais Baker Mayfield qui fait très très bien avec les Browns de Cleveland. T'avais Sam Darnold qui est pas mauvais avec les Jets, puis t'avais John Rosen avec vous aussi. Ouais, puis le dernier match, les Cards, ils ont réussi, si je me souviens, ils ont réussi à battre les 49ers au dernier match. Donc, ça commence à petit à petit avec un nouvel entraîneur-chef, des nouveaux systèmes de jeu. Donc, ça va être un match intéressant. J'ai hâte de voir l'ambiance, les tailgates, tout ça. Donc, oui, effectivement, je vais décrocher un peu, puis je vais prendre congé la semaine prochaine. OK. Donc, Tony, on s'en reparle dans deux semaines. Possiblement Stéphane Cadorette du Journal de Québec et du Journal de Montréal qui va venir faire les... qui va venir faire la semaine prochaine les matchs à surveiller, la chronique. Donc, on a bien hâte de voir, puis on s'en reparle dans deux semaines. Tu lui diras qu'il y a beaucoup de pression là, pour me remplacer. Non. Tony Gouzeau, du site internet leblitznfl.com que vous pouvez visiter.